lit plus domicile. Dans ce blues où j'oublie tes larmes sur mes cils, ne viens plus réveiller ce blues enseveli que je croyais noyé dans l'alcool et l'oubli. J'oublie de t'oublier et de ne plus t'aimer. Ne viens plus agiter tes ailes papillons, replie-les pour rester au chaud dans mon cocon, protégé par la ouate, la soie ou le coton, d'une vie d'automate, heureux comme un centon. J'oublie de t'oublier et de ne plus t'aimer. Ne viens plus sur mon âme ruisseler tes soleils pour puiser dans mes larmes l'eau de tes arcs-en-ciel. N'y lis plus domicile dans ce blues où j'oublie tes larmes sur mes cils, chère mélancolie. J'oublie de t'oublier et de ne plus t'aimer.